Wasendeki plaisir, mon konem paye gali, mon konem se ke pose, autant de son ma café, den de créole m'a chanté, c'est bagay me composé, non même tout chante espagnol, de temps en temps nous font créole, non même tout chante espagnol, de temps en temps nous font créole, m'a jeté sa qui pour nous, m'a ramassé sa foi pour nous. Yo fe yo voye ba nou, an nou fe voye ba yo tou. Fok nou chache fe ilan, avan nou fe gosha bilan. Lang nou pa lang espanyol, fok nou kapap chante kriol. Lang nou pa lang espanyol, fok nou kapap chante kriol. Sac pas pour nous, n'a pas ramassé sac pas pour nous.